Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes la tequila ? Oui. Ah, et est-ce que tu aimes les casses automobiles ? Bof. Ah. Et est-ce que tu aimes quand les adolescents sont un petit peu cons et qu'ils vont au Mexique pour perdre leur virginité ? Oh non. Ah, mais tu aimes Tom Cruise ? Oui, j'aime Tom Cruise. I feel the need. The need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Mega Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode 3, où oui. On va parler d'American Teenagers, Losing It en version originale, un film de 1983 de Curtis Hanson. Alors bon, bah, Serena, est-ce que tu l'avais déjà vu ? Non. Ah. Je pense que personne l'a vu. Je pense que, ouais. Et tu as eu envie de le voir ? Non, pas trop. Ouais, déjà l'affiche, je la trouvais vraiment... Pas terrible. Non. Après, tu lis le pitch et là, tu te dis que c'est une cata. Oh my God. Ouais, et toi ? Moi, je ne l'avais pas vu non plus. Pareil, je vois l'affiche, je dis oh là là là là. Et puis, j'ai regardé la bande-annonce. Ah. Et la bande-annonce, je me suis dit, bon, ça va peut-être être marrant. Et il y a des... On va s'en spoiler vraiment, mais il y a des trucs un peu marrants, mais globalement, c'est nul. on va se faire un résumé un peu rapide de oui, ce film. On va faire full spoiler, comme ça, ça vous évitera de le regarder. Oui, parce que c'est pas trop la peine. Ouais, voilà. Même s'il y a Tom Cruise et que bon, on peut toujours regarder un film avec Tom Cruise, mais c'est peut-être pas suffisant, quoi, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on est à Los Angeles dans les années 50. On est dans un lycée, je dirais. Ils sont grands, quoi. C'est des jeunes dans une école. Ils décident de partir en voyage à Tijuana, au Mexique. Pour tristement perdre leur virginité. Oui, voilà. Grosso modo, aller aux putes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un projet qui est pas fou, en fait. Bon. Et ça a l'air d'être vraiment le projet de leur vie, quand même. C'est ça qui est dingue. Oui, ils sont trop contents. Ouais. C'est trop bizarre. Alors, qui est-ce qu'on a déjà ? Alors, on a Tom Cruise, qui est Woody, qui cette fois-ci fait un jeune bien rangé, un peu cato. Ah oui, et puis c'est alors. C'est pas très clair en fait. Bon, après, on voit direct, il a des chemises courtes, donc on a très vite compris que c'était un bon garçon, quoi. Oui. C'est un petit jeune bien. Oui, avec les cheveux bien peignés, ouais, voilà. Propre et tout ça. Donc, il y a une copine, on comprend qu'il y a une copine qui veut attendre les mariages pour faire la du chose. Sexe, quoi. Ouais. Et il décide quand même d'aller au Mexique. Avec deux autres copains, du coup. Avec deux autres copains. Bon, alors, on a Dave. Qui est vraiment le petit con, tu le détestes dès le début. Moi, je le déteste tous les longs. Bon. Oui, dès le début, on voit qu'il est toxique et après, on se rend compte qu'en fait, il est méga toxique. Ouais, il est vraiment dangereux. Mais là, les doutes, c'est est-ce qu'à l'époque, on le croyait sympa ou pas ? Est-ce que dans les années 80, ah ouais, ça, c'est je ne sais ouais. pas. Mais bon, lui, il est vraiment con, quoi. Ouais. Après, on a Spider. Ouais. Spider, c'est le bellâtre. Hein. Tu le vois déjà au cool, début, quoi, avec des meufs. Il est chiant. La pète, et c'est la chiant. Il est chiant. Donc, il décide de partir avec eux. Et puis, il devrait y avoir un quatrième garçon qui part avec eux, dont on ne sait pas les noms, qui ne peut pas y aller. Parce qu'il l'a dit à ses parents, et que ses parents lui ont dit de ne pas y aller. Ce qui bah, est un peu justement, con. Mais très en plus, il a raison. Mais en fait, si tu veux faire ça, tu ne le dis pas à tes parents, c'est idiot. Non, c'est clair. Et donc, il se retrouve avec les petits frères de Dave, les cons, Wendell. Donc, c'est Dave le con maintenant. On ne l'appellera pas juste Dave, c'est Dave non. le con. Dave chapeau, Dave les cons, je ne sais pas. J'en doute. Et Wendell, c'est un jeune, il est tout petit. Ah bah c'est son petit frère. Et non, il l'embarque frère. Parce qu'en fait, comme le quatrième ne peut pas venir, ils n'ont pas assez de thunes pour l'essence et tout ça. Voilà. Sauf que Wendell... fait de la thune. Wendell, c'est un petit capitaliste, il est malin. Quoi. Même un gros capitaliste, je dirais. Ah bah il a 12 ans, il a tout compris. Hein. Il a tout compris. Il fait du business de copies de cours. Des devoirs. Il fait des devoirs pour tout le monde. Il a deux casiers en fonction des devoirs que tu demandes. Et après, lui, il ne veut pas aller pour perdre sa virginité, mais pour acheter... des feux d'artifice. Ouais, il va pour le business. Voilà. Il a tout compris. Et voilà quoi, je sais pas, on continue. Ça me désespère. Voilà. Désespère. Alors, donc ils partent en voiture, ils sont tous les quatre. Bien sûr, les trois, ils sont pas très contents d'avoir les petits Wendell. Mais bon, ils l'emmènent avec eux parce qu'il a la thune. Il s'arrête dans une aire de service. Non. Des épiceries ou un truc. Une épicerie pour faire, pour voler des trucs. Oui, pour voler, parce que déjà, ils commencent, ils veulent voler des trucs. Voilà. La bouffe, bon, la rigueur, des bonbons. Pourquoi pas. Mais bon. Sauf le petit Wendell qui veut pas, parce que c'est pas bien de voler des honnêtes si travailleurs. Si t'es un gros capitaliste, tu fais pas ça, quoi. Il fait pas ça, il aimerait pas qu'on lui vole son épicerie. Et donc, il se retrouve dans cette épicerie et on assiste à une engueulade entre les deux gérants. Oui, entre le patron et sa femme. Ils sont un couple. La femme qui est très énervée parce que le patron, il l'a trompée. Ouais. Et donc, voilà, elle se casse. Elle casse tout. Elle défonce les magasins avec une camionnette et elle part avec eux. Et du coup, il part avec nos petits adolescents qui vont direction à Tijuana. Direction Mexico. Et elle va à Tijuana pour, pour s'acheter un divorce. Donc en fait, ça, là déjà, ça pose le truc. Tijuana, c'est l'air merveilleux. On peut tout faire. On peut perdre sa virginité. On peut faire du business et on peut divorcer. Franchement, on a envie d'y aller du coup. Je ne sais pas. Pas avec eux en tout cas. Pas avec eux, ça c'est sûr. Et donc, il passe à la frontière. Voilà, il se retrouve là-bas, quoi. Et c'est bon, Cathy, donc la femme qui est partie avec eux, qui est plus âgée qu'eux. Oui. Déjà, on comprend que Spider, les tombeurs des femmes, il essaie de la draguer, mais elle dit non. Et non. Bien fait pour toi, Spider. Et puis, elle descend direct au-delà de la frontière. Il y a un avocat qui fait des divorces. Oui. Bah, c'est un peu comme quand tu vas à Andorre, t'as que trois maisons, mais il y a tout dedans. Quoi. C'est un peu fort. Ça. Après, va savoir si tu crois là vraiment comme ça, je ne sais pas. Ah, on ne sait pas ça. Mais bon. Et donc, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont chercher des prostituées. Ah ouais, d'abord, ils vont boire un coup, je crois, non? Même pas? Oui, peut-être. Ouais, enfin, bon, à la rigueur. Non, ils vont direct. Ah non, d'abord, ils vont. Ah, ah non, non. Ah, non, ouais, non, ah, non, pardon, pardon. Là, pardon. Là, voilà, il y a un emballé, truc mais très important. D'abord, en fait, Dave Lecon, il va chez un mécanicien, ouais, qui est très réputé, qui fait du super travail et pas cher, j'imagine. Et pour se faire refaire les sièges, ouais, en cuir il rouge. Il a une super bagnole. Oui, c'est en gros sa fierté. C'est les gonzesses et les voitures, lui, son truc. Ouais. Hein. Et donc, il va là-bas, il décide de laisser les petits frères avec. Oui, pour qu'ils surveillent. Pour que parce que, alors, allez, spoiler aussi, ce film est un peu raciste. Un peu. Un peu beaucoup. Et pour que, en fait, le petit frère puisse vérifier qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec les sièges, parce qu'il a entendu dire que les Mexicains, ils mettaient du crottin dans les sièges. Donc, Donc Wendell reste avec ses mécaniciens, quoi. Et les autres, ils partent. Bah, ils partent. Et donc, il se retrouve dans un bar, une espèce de strip. Oui, c'est un strip bar. Club à thème Hawaï. Enfin, c'est voilà. Tout est bizarre, en fait. Mais grosse ambiance, après. Hein. Oui, ça, oui, ça a l'air sympa. Mais en fait, ils te font très vite comprendre que les Mexicains, ils sont là pour embrouiller les touristes. Bah, ils en profitent. Hein. Les autres, ils sont suffisamment idiots pour venir. Autant récupérer toute la thune. Hein. Voilà. Et donc, ils essayent de... Voilà, mais ils se font, en fait, au bar, ils se font alpaguer par trois filles qui sont un peu les aguicheuses, entre guillemets, qui amènent les clients à l'étage, oui, à l'étage où elles les laissent. Et il y a des prostituées un peu de plus basse gamme. Ils font croire ça, hein, ouais. C'est pas moi qui le dis, mais en fait, ils vont dans les films et c'est très. Oui, très et puis ils le surjouent le truc, quoi. Tout d'un coup, ouais, ils ont l'impression qu'ils tombent sur des monstres absolus. Alors, bon. Okay, bon. Et donc, chacun choisit une prostituée. Tom Cruise doit perdre sa virginité, quand même. Les trois. Enfin, non, pas Spider. Spider, il a peut-être déjà perdu. Et voilà, il n'y arrive pas. Tom Cruise, il n'arrive pas, il dit non, c'est pas grave. Il choisit une femme plus âgée qui, je sais pas, lui rappelle sa mère. Ouais, non, puis il ne peut pas le faire parce que ça le. Il a besoin de romance. Il a besoin d'amour, ouais. Et Dave, il y arrive très bien. Bon, de toute façon, on va passer sur Dave. Je ne sais pas trop, quoi, qu'est-ce qui se passe, mais il ne montre pas trop. Mais en tout cas, il se retrouve au bar. Dave, il est encore avec sa prostituée. On l'entend crier. Ouais, je pense qu'on va bientôt arrêter de parler de Dave parce qu'il est vraiment trop pénible. Et donc, voilà, il se retrouve au bar. Tom Cruise et Spider, donc Woody et Spider. Ouais. Et il se prend la tête. Il y a Cathy qui revient Pour boire un coup avant pour de rentrer. Pour boire un coup, mais qui les retrouve. Donc, elle est très contente de les retrouver. Ah, les garçons, comment ça va et tout. Et en fait, Dave et non, pardon, Woody et Spider, il se prend la tête. Je ne sais plus trop pourquoi. Il se bagarre. Oui, parce qu'ils doivent se moquer parce qu'il y en a un qui n'a pas perdu sa virginité. Ouais, ou un truc comme ça. Enfin, des trucs un peu idiots, quoi. Oui, viriliste un peu. Et donc, il se prend la tête. Il se tape, je crois. Ou ouais, il se bouscule. Bouscule, bien. Et donc, Tom Cruise part avec Cathy. Oui. Donc, Woody part avec Cathy. Spider, on le perd. Ouais, il va dans les bars, il va boire des coups, en fait. Il va boire des coups. Il va enchaîner les strip clubs, quoi. Après, ça va continuer comme ça un petit peu tout le long du film. Hein. Donc, Dave qui va passer son temps à chercher à se taper des filles. Alors, on va passer sur la session. C'est vraiment très, très grave. Ah, ouais. Dave, il va il veut vraiment aller chercher un truc qu'on appelle les Spanish Fly. Spanish Fly. Une drogue comme du GHB. Enfin, c'est pour il veut droguer des meufs pour les choper. Voilà. C'est quand même assez incroyable. Ça n'existe pas, ces trucs-là, mais il se fait embrouiller. Oui. Il arrive à choper des aspirines, mais c'est pas... Après, il se fait arnaquer, c'est quand même... Il se fait arnaquer. Bon, je ne sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, il se fait arnaquer et il le met dans les verres d'une fille, quoi. Oui. Sous les yeux du petit frère qui dit « Ah non, tu ne devrais pas faire ça », mais qu'il n'agit pas, quand même. Et il attend que la fille elle soit droguée pour pouvoir niquer avec elle, quoi. Donc... Heureusement que ça arrive pas. Il rencontre des Mexicains. Comme par hasard, un des Mexicains, c'est les frères de la fille. Il s'énerve, il kidnappe les deux. Donc, Dave et petit frère con. Non, Dave con et petit frère capitaliste. Capitaliste. Et ils veulent leur faire peur. Ils l'accrochent. Dans une caisse automobile, ils font peur. Ils essaient de le brûler. Enfin, voilà. Menace mexicaine, quoi, finalement. Et entre-temps, Tom Cruise et Cathy... La romance commence. Autour d'une bouteille de tequila. Hein. Oui. Ils font des tequila paf. Tequila paf. Ils vont danser, ils vont au bar, ils font une soirée finalement qui a l'air plutôt sympa. Plutôt cool, ouais. Ouais. Cathy, en plus, il lui apprend comment faire du tequila citron sel, parce qu'elle est plus âgée, tu vois, elle sait, alors que Tom Cruise, il est tout jeune. Et puis, on arrive à notre scène. On va se faire l'extrait comme ça. Yeah. Vous allez... Alors, vous n'allez pas voir, mais vous allez comprendre un peu. On arrive à l'Alamo Motel. L'Alamo Motel, c'est pas possible. Oui, tous les deux, Tom Cruise et Cathy Chalelong. Comment tu vas ? Le gérant dort. Tom, il est vraiment balèze. What a night is gonna help you. Yes. Qu'est-ce que vous voulez ? We would like a room, please. Ah, bah une chambre. Oh là, il respire plus, là. Oh là là là là. On s'avance gentiment vers la chambre. Hein. Oh, ça a l'air sympa, ces motels. Ils ont plein de petites maisonnettes. Oui, on vient quand même de croiser un militaire avec une prostituée, mais après... Oui, bon. Petite lumière rouge, hein, pour signaler quand même que ça va être le moment un peu sexy. Là, ça y est, hein. Là, on est... dans la chambre. Ils sont gênés, hein. Moment de gêne. Après, Tom Cruise, pendant tout le film, il est gêné. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ? Okay. Here we are. Regarde Ellie. Bon. Cathy rigole. Et là, voilà. Est-ce qu'on fait une pause ? On essaie de s'approcher. C'est parti. Tom, qui déboutonne. Tom, déboutonne la chemise. C'est sa chemise. Hein, qui il ferme ça tout le film. Ouais. Boutonne et déboutonne. Elle fait ça de dos, elle a fait ça de dos aussi. Son dos... Pas le truc mégatory d'arriver quand même. Pas... Non. Ils sont vraiment gênés. Ouais. Vous demandez pourquoi ils le font finalement. Bah ouais, pourquoi ? Il avait une copine, il était heureux avec elle. Ouais, mais c'est Cathy, you tu vois. Probably think I'm... Donc là, Cathy, pour kind of passer la gêne, elle parle. Je ne sais pas trop quoi faire. Je veux parler. Allez. Il a enlevé son t-shirt. Les pectoraux de Tom. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. En plus, d'ailleurs, Tom, il avait un t-shirt sous la chemise. Toujours, on ne sait jamais. Les soirées sont fraîches à Tijuana. Il se rapproche. Elle est en train d'enlever sa robe. Qu'est-ce qu'il fait, Tom? Il la touche. Il touche les épaules. Elle a, elle a peur. Petit sursaut. Comment ça? Mais elle est rassurée. C'est lui. Il est beau. Il est merveilleux. C'est Tom, quoi. Regarde, attends, c'est gêné quand même. Vachement gêné. Et salut, des bisous. Bisous. Ça qu'on attendait tous. Premier bisous. Vas-y, mais bisous au cinéma. Au cinéma. Ah, bisous sur les coups. Bisous et petit flou. Et flou. Et ben voilà. Bah voilà. À peu près. Bon, après, il faut dire aussi que Spider, il se retrouve en prison. Il y a toute une scène dans la prison qui est assez sympa. Oui, ah bah oui, la scène dans la prison, c'était marrant. Il y a notamment un des détenus qui, en gros, c'est le chef de la prison, quoi. Il y a plein de gens, en fait, sur des matelas. Après, entre-temps, il y a un chef. Ouais, c'est le chef de la prison. Voilà. Et il s'embrouille avec des militaires un peu. Parce qu'en fait, on croise tout le temps des militaires. Hein. Trois quarts des gens qu'on croise, c'est des militaires américains qui sont en permission. Hein, c'est... Voilà. Donc Spider, il enchaîne bagarre sur bagarre, il fait une bagarre dans le bar, il fait une bagarre dans la prison, machin. Il se retrouve en prison parce qu'il était un peu con avec un policier, il se retrouve en prison, ils essaient de le faire sortir des prisons. Tom Cruise... Ah oui, qui trouve un plan. Il dit, on n'a pas 3000 dollars pour payer la caution, on dit comme ça. Et donc, on va te donner la voiture... De Dave Lecon. Donc, il se retrouve chez les mécanos. Chez les mécanos, ouais. Chez les mécanos qui, du coup, dit bon, je sais pas. Il y a Dave qui dit ah non, ma voiture, pas du tout, machin truc. L'autre, les policiers veulent arrêter Dave. Il aurait bien fait, mais il le fait pas. Et puis là, après, c'est course-poursuite. Il se casse avec la voiture. Wendell et Petit, en fait, ils savent la situation à peu près à chaque fois. Oui, après, moi, j'ai une théorie sur le fait que Wendell, c'est le héros du film. Ouais. Et que ce film, c'est un préquel pour la vraie histoire de Wendell, qui serait vachement plus intéressante que ce film, finalement. Oui, en même temps, une grande ode après, au capitalisme. Ouais, mais en faisant avec du second degré, ça peut être très drôle. Oui, c'est vrai. Et bon, donc, après, c'est course-poursuite jusqu'à la frontière. On vous épargne les détails parce que c'est pas la course-poursuite de l'année. Il y a tout le monde. Hein. En gros, il y a les Mexicains qui suivaient Dave. Il y a le shérif. Il y a les militaires. Total, quoi. Jusqu'à la frontière. Et où, note un peu triste, Cathy revoit son mari. Oui. Avec qui elle voulait divorcer. Elle quitte Tom pour les mecs qui l'a trompé, quoi. Voilà. Il revenait de Tijuana. Alors, lui, il dit que c'est parce qu'il l'a cherché. On ne saura jamais. Jamais parce qu'il allait dans un de ses bars avec des femmes. Voilà. Et voilà. Donc, Tom, un peu triste, mais en même temps, bon. De toute façon, il est en copine, hein, Tom. Oui, faut puis pas après, oublier, c'est mission accomplie. Il a perdu sa virginité quand même. Voilà. D'ailleurs, les titres du film, Lusinite. Oui, voilà. Avec la chanson au début qui te dit Lusinite. Enfin, ça ne parle que de ça. C'est un peu cata. Ouais. Ça finit sur une bagarre encore, je crois, dans un autre bar. Oui, parce qu'en fait, il passe la frontière, il se trouve aux États-Unis, il retrouve les militaires dès le début. C'est embrouillé avec Spider et ça finit en bagarre. Et voilà. Vive les années 80. Ouais, voilà. Donc là, bon, vous avez compris, c'est pas le film de l'année, pas le film de la décennie, c'est pas le film tout court. Non. Mais du coup, on a Tom Cruise dedans quand même, donc faut qu'on en parle un peu. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tom Cruise, bon, c'est un peu l'edge. Hein. Il est gêné au début, il est gêné au milieu, il est gêné à la fin, et il fait pas grand-chose, quoi. Globalement, les trois personnages principaux sont hyper caricaturaux et pas intéressants, quoi. Non, pas intéressants. On est d'accord que si on les enlève, le film pourrait être bien. Oui, c'est clair. Tu vois, on en parlait, tu les enlèves, t'enlèves les trois, tu mets à la place Bud Spencer et Terence Hill, et là, le film devient quand même sacrément marrant. Parce que tous les autres personnages, ils sont trop forts. Le shérif, il est très drôle. Il y a même une marchande de glace, la marchande de glace qui apparaît 10 secondes. Elle est trop drôle. Tous les personnages sont super bien, sauf les trois héros. Donc, refaisons ce film. Oh. Mieux. On enlève tous les trucs racistes, sexistes, et on fait un truc drôle avec Bud Spencer et Terence Hill, je pense. Ça peut marcher, tu penses ? Toujours plus que ça, parce que ça. Alors, quand même, petit point budget. Il a coûté 7 millions. C'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Enfin, il n'en a rapporté que 1,3. Mais donc, ça m'étonne pas bien pour l'heure. C'est un peu le naufrage, quand même. Oui, je comprends. Tu vois les trucs. Et alors, du coup, pourquoi ce film ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ont fait ce film ? Ça fait un peu, tu sais, ça surfe sur la vague des American Graffiti, de tous ces films d'adolescents, en se disant on va faire un truc un peu graveleux. C'est raté. Mais c'est vraiment... Oui, je sais pas. Mais c'est, tout est moche, quoi. Tout est horrible. Et alors, petit point Oscar. Parce que là, effectivement, on vous dépeint un tableau. A priori, normalement, ce film ne doit pas avoir d'Oscar. On vous rassure, il n'y a pas d'Oscar pour ce film, rien du tout. Mais, encore une fois, Tom Cruise fait un film et il est entouré avec une personne qui a un Oscar. Et cette personne-là, c'est Curtis Hanson, donc le réalisateur. Alors, un peu naïvement, moi, après avoir vu le film, je me suis dit, ce mec-là, il a fait ce film-là et on l'a mis dans un placard. Ben non, en fait, il a fait pas mal de trucs. Il a notamment fait 8 Mile avec Eminem. Ah bon ? Tout à fait. Ah, tu savais pas ça. Ah non, ça, j'avais pas vu. Et il a fait L.A. Confidential. Et là, par contre, il a récupéré un Oscar du scénario et un Golden Globe de la réalisation. Eh ben, dis donc. Et comme quoi, finalement, jamais... en s'accrochant à ses rêves, on peut faire un truc tout pourri. Moi, jamais j'aurais donné une thune à ces mecs. Et voilà, en fait, on aurait eu tort, tu vois. C'est dingue, oui, quand même. Ou pas, peut-être il y aurait eu d'autres mecs. Mais bon, non, si t'as... Ah non, tu vois. C'est, ou d'autres c'est... filles, même. Ça oui, ça aurait été mieux, même, encore. Ah, Tom, qu'est-ce que tu nous fais à dire, hein. Ouais, voilà, bon, on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur Tom, à part qu'il est gêné, que... Bah, peut-être une chose à dire, c'est qu'il s'est refait les dents entre... The Outsider et ces films-là, je crois. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup sourire. Parce non, que bah non, parce qu'il ne peut pas ouvrir la bouche vu qu'il est crispé. Donc, il a peut-être son appareil. C'est ce qu'on disait du coup, dernier épisode. Hein, dans The Outsider, pendant la bagarre, il a perdu. Il a eu des problèmes dedans, donc il les a fait refaire. Il les avait déjà peut-être avant, mais ça a empiré les choses. Oui, et donc là, je pense qu'on commence à... On est sur un tome nouveau, finalement. On est sur un tome qui a enfin un grand rôle, enfin un premier rôle, on va dire. Et puis, ça y est, c'est parti. À partir de maintenant, il va faire quasiment que des premiers rôles, à deux, trois exceptions prêtes. Oui. Donc là, on est sur la lancée. Là, c'est la lancée. Et en plus, c'est switch de personnage, de l'arrogant au petit timide. C'est ça. Oui, parce qu'il a fait ses deux premiers films, il fait le mec un peu tendu, un peu bagarreur, un peu anti-héros. Et là, ça y est, ça devient le gendre idéal, quoi. Je sais pas ça, mais ils veulent faire croire ça. On va voir sur la suite. Mais... Les garçons rangés. Bien, ouais, voilà. Bon, qui va quand même voir les prostituées. Ouais, ouais. Mais ça, c'est vraiment les problèmes. Bon. Il y a trop de problèmes dans ce film. Mais en tout cas, c'est lui qui est gentil, qui veut pas faire la bagarre, qui résout les choses. Voilà quoi. Ouais. Qui croit à l'amour. La romance. Qui redonne foi en l'amour à Cathy qui n'y croyait plus. Tom. C'est pour ça. Merci, Tom. Qui a des petites chemises. Qui, du coup, repart avec son mec qui la trompe. Bravo, merci, Tom. Merci, Tom. Bon, voilà. Du coup, on se donne une petite note sur. Petite chose à dire, les petits Wendell. Petite anecdote. Les petits Wendell, les comédiens. Oui. Il est dans Taps, dans le premier film de Tom Cruise. Et oui, c'est le copain de Charlie. Qui joue trop bien aussi dans ces films-là, qui arrive à pleurer. Moi, je me demande toujours comment les enfants, ils arrivent à pleurer au cinéma. Pleurent à un moment dans Taps, et c'est trop beau, quoi. Ouais, et il se casse. Comment tu fais pleurer un enfant en lui piquant son dessert, peut-être ? Je sais pas, après, oui, peut-être. Au pire. Bon après, le petit Wendell, il n'a plus rien fait après, par contre. Et voilà. Et c'est un peu étonnant. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il est devenu un de ses enfants drogués, je sais pas. Un enfant star drogué. En tout cas, voilà. Doublette avec Tom Cruise. OK. Allez, du coup, un petit cruisomètre. Allez. C'est l'heure du cruisomètre. Alors, le cruisomètre, on prononce comme on veut, c'est toujours cette espèce d'échelle de notation de 0 à 100 qui reste avec des contours un peu flous. On vient de sortir de la séance, on a vu Tom Cruise, on a vu le film, on voit sa carrière, où ça en est, et on va donner une note entre 0 et 100 à Tom Cruise. Donc, même si on n'a pas aimé le film, par exemple, on peut très bien mettre une très bonne note. Donc Serena, de merde soi, toi avec ça. Bonne question. Moi, j'ai pas envie de lui donner beaucoup de points pour ce truc-là. Tu vois, je suis sa mère, je vais au cinéma, je me dis, mon fils, pourquoi t'as fait ça, quoi. Ça va pas aider sa carrière. Je pense pas parce que c'est un gros flop en plus. Et ça se voit. Tu lis les scénarios, tu dis, mais ça peut jamais marcher ce truc. Et en fait, il s'est raté. Donc moi, je lui donne 8. 8. 8%. Ah ouais, non, je trouve il a tout raté, quoi. Peut-être, je donne 8 juste parce qu'il a fait sa première scène d'amour. Bah ouais, c'est quand même pas... Ça vaut que... Parce que moi, je suis un peu sur le même truc. Je me dis, au moins, il a sa première scène d'amour et il y a le switch où il devient un peu ce héros beau et gentil, tu vois. Oui, mais pas gentil complètement. Alors, pas gentil complètement, gentil avec une, avec une morale douteuse, on va dire. C'est ça, le cliché du gentil, mais que c'est encore pire. Mais qui suit quand même ses copains qui sont toxiques, donc c'est pas terrible, on est d'accord. Mais ouais, moi j'aurais... Alors, Vas-y, dis-moi. Je vais mettre un petit 21. Oh ben, c'est la scène d'amour, moi, ça me pense à vos 21. Oh, plus que The Outsider, quand même. Et oui, mais Outsider, je te dis, il n'y a que deux saltos. Moi, je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, c'est des saltos arrière. Je sais. Oh. Et deux fois, qui plus est. C'est déjà expliqué la dernière fois. OK, voilà. Donc Du coup, j'ai dit combien ? 21. Oui, 21%. Voilà. C'est pour laisser aussi de la marge, parce que je pense qu'il y aura des films encore pires que ça. Ah, tu penses pire que... Ouais, je pense qu'il va y avoir des choses assez atroces qui vont nous arriver dans les... Les semaines, mois, années à venir. Non, mais moi, je le vois avec les yeux de la maman. Tu vois, je me dis, non, il a, mon fils, aussi jeune, n'a pas pu faire ça. Quoi. Bah, comment. Bon, bref. Bon, après, on verra quand même que le prochain épisode, ça va aller beaucoup mieux. Ça va mieux se passer. Là, ça va vraiment décoller. Là, ça va être un peu plus. Au moins, les prochains épisodes, on va souffler. Quoi. Ouais. Alors. Est-ce que tu as... Ah, je vois dans ton regard coup, que... Non, Rotten... Ah oui, on n'a pas fait les Rotten Tomatoes, c'est vrai. Alors, du coup, Rotten Tomatoes, donc la note moyenne des critiques, c'est 28%. Aïe. Yeah. Ouais. Et je trouve ça trop élevé déjà. Oui, trop élevé aussi. Bon, et par contre, pas de note halluciné parce que personne ne l'a vu. Il y a juste un commentaire d'un mec qui dit « Super, c'était trop bien ». Alors, celui-là. Je pense qu'il s'est trompé de fiche de film. C'est sûr. Il veut voir Blade Runner. Mais c'est vrai que quand tu le cherches, ce film, il est assez introuvable. Et c'est pour de bonnes raisons, je pense. C'est très bien. En fait, je pense que l'univers veut nous protéger de ce film. Pas qu'on le voit. Et nous, comme des couillons, on a été le regarder. Oui, mais bon. Nous, on est dédiés aussi. On a une mission. On est censé prouver que Tom Cruise, c'est la dernière star d'Hollywood. Il va s'en sortir après des gros flops, quand même. Est-ce qu'il aura un Oscar? On verra. À l'horizon 2025. Peut-être. Dernier pronostic. Ok, alors du coup, allez, une petite recommandation, parce que là, ça y est, t'en as une. Moi, j'en ai une pour une fois. Allez, très bien. Alors, moi, je conseille Harold et Maude. Cool. Parce que j'ai trouvé chouette, quand même, que Tom Cruise, qui est jeune dans ce film, il sort avec une femme plus âgée, dans une petite histoire romantique. Mais par contre, voilà, c'est pas génial. Alors que Harold et Maude, c'est génial. Ouais. C'est trop bien. Ouais. Beaucoup plus poussé, beaucoup plus... Oui. Trop bien. Voilà. Super. Et toi? Moi, du coup, alors, bon, j'aurais pu enchérir avec le lauréat, mais bon, c'est un peu facile. Non, c'est une anecdote, tiens, parce que je n'ai pas donné beaucoup d'anecdotes, parce que je n'ai pas trouvé grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en fait, ça n'a pas du tout été tourné au Mexique. Ça a été tourné en Californie, à Calexico. Ah. Et Calexico, c'est ma recommandation, parce que Calexico, c'est un groupe de folk américaine qui fait de la très belle musique. C'est très, très bien, c'est très beau. Et je vous conseille d'écouter du Calexico. Tout est bien. Toujours les meilleures recommandations. T'as vu un peu ? Tu t'y attendais pas, celle-là. Là, t'as bien bossé, ouais. Ah ouais, non, mais je sais pas. Tu vois Calexico, tu dis, trop bien. Pas mal. OK, bon, eh ben, la semaine prochaine, pas du tout, dans deux semaines... Parce que la semaine prochaine, Dans deux semaines, nous allons parler de... Risky Business. Risky Business, hein, c'est un peu le... Donc, on va vous le spoiler, donc regardez-le. Oui, regardez-le, du coup, vous avez deux semaines pour le regarder. Ça va. Ouais. C'est un bon film. Non, tu t'avances. Je pense. On verra. OK. On va vous dire... Ah si, il faut quand même vous dire de vous abonner sur les plateformes de podcast, donc... Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, et après il y en a d'autres que j'ai toujours pas apprises. On est en train de préparer à faire un Twitter, un Instagram, machin, pour pouvoir envoyer des trucs. On y est presque. Hein. Vous inquiétez pas, on est un peu lent, mais on y arrive. N'hésitez pas, si le podcast vous a plu, à en parler autour de vous, à dire que c'est cool, ça parle de Tom Cruise et de plein d'autres choses. Si ça vous a pas plu, vous parlez d'autres trucs bien. Vous parlez d'Harold et Maude, vous parlez de la tequila. Ouais, vous buvez de la tequila si ça vous a pas plu. Peut-être que ça vous... Et vous réécoutez, et peut-être que ça vous plaira du coup. Super. Ça peut être une technique. On vous laisse avec petite musique du film de qualité, encore une fois. Hein. Allez. Allez, c'est parti. Allez, dans 15 jours. Des bisous. Oui.